Sicuto culis elvorum in manibus dominorum suorum itao culi nostri ad dominum Deum nostrum et omnes misereatur nobis. Ah! à soi ne se vit pas seulement d'une manière individuelle. Elle se vit aussi ensemble, à plusieurs, en Église. Une foi qui ne se partage pas avec d'autres s'étiole. Nous avons tous besoin de nous retrouver tous ensemble pour confesser notre foi en Église.